Mais c'est bon, ça fait partie de ton caractère, ça fait partie de ça. Mais toute cette matière-là, ça se transmet, cette matière-là, ça se transmet, ça se transmet, ça se transmet. Éventuellement, ça te sert au lieu de te desservir. Elle, c'est un autre, elle a une tête de cochon, elle. Elle est différente, la sienne. Elle est toquée. Elle est toquée, mais pas orgueilleuse. Ça, quand t'es toqué, t'es pas orgueilleux, c'est parce que t'as trop de principes. T'es arrivé à un certain âge, là, une femme 40, 45, 50 ans, là. T'as pris des plis. C'est des plis. Mais elle est pas orgueilleuse. Tu peux y dire quelque chose, puis elle va le prendre. Grandi. Puis tout le monde a des personnalités différentes. Faut les apprécier, les personnalités des gens. Sans ça, tu peux pas faire le travail. S'il faudrait que je vous regarde au niveau de vos personnalités, je prendrais mon parapluie et m'en irais chez nous. Pas des cadeaux, vos personnalités, vous autres. Tu prends Aimé Michaud. Aimé Michaud, c'est un animal spécial. Ça vient d'un pays, ça. Il sait même pas sa map. Là, il commence à être sa map, Aimé Michaud. Mais moi, je me rappelle quand je l'ai rencontré, Aimé Michaud. Fait que les personnalités des gens, faut que, si les gens, on n'est pas pareil, il n'y a pas de personne pareille, ça vaut aussi de l'humanité qu'on ait des personnalités toutes différentes. Mais ça prend de l'intelligence en maudit pour pouvoir absorber puis vivre en relation avec toutes sortes de personnalités. Faut que l'homme en arrive à ça, l'humanité en arrive à ça. C'est ça qui va détruire le nationalisme entre les nations, ainsi de suite, les cultures. Puis les Chinois puissent parler aux Américains, puis ainsi de suite. Mais avant que la psychologie des nations commence à se manifester, il faut que la psychologie des individus se manifeste. Au but, tu prends au but. Tu penses que c'est un cadeau au but? C'est un vieux garçon au but, même s'il est marié. Ah, faut que tu prennes les qualités du gars, les qualités du gars, pas les défauts du gars. C'est ça qui est le plus dur pour nous autres. Il y en a son fin. Lui, c'est un agneau. Christ, le bon Dieu l'a rencontré, puis ça. Ils sont pas tous de même. Ces personnalités. Maudit qu'on a tout ça avec les personnalités, comme Galipo, parce qu'il a une maudite personnalité. C'est un professeur d'école. Regarde-les, il y a de l'air d'épreuve d'école. Je suis sûr que les élèves chient avec qui d'autre quand ils le voient. Mais il faut aller chercher ce qui est dans l'homme, ce qui est dans l'esprit de l'homme. Pis ça, c'est une job and a half. Puis il y a l'intelligence qui peut vous permettre de réunir les personnalités humaines d'une façon indivisible, d'une façon universelle, d'une façon fraternelle, d'une façon qui est totalement sans préjudice. Si vous n'êtes pas dans votre intelligence, vous allez bloquer aux personnalités. Si vous bloquez aux personnalités, à ce moment-là, vous allez être seul. C'est une intelligence. Ça prend une intelligence, ça prend cet éther-là pour réellement apprécier l'homme au-delà de la personnalité. Vous trouvez pas le trou pour sortir de ça parce que c'est pas le temps que vous en sortiez. Le travail est encore en voie de fait. Vous pouvez pas rentrer dans votre intelligence de même. C'est pas de la magie, ça, de l'intelligence. C'est pas des formules philosophiques, ça, de l'intelligence. C'est vos souffrances, puis vous allez les vivre, vos souffrances, puis vous allez passer à travail, puis éventuellement, ça va se clarifier, puis là, ça va, vous allez voir clair. En attendant, vous le vivez. C'est ça que je vous disais avant. Il n'y a pas d'effort dans le développement de la conscience supplémentaire. T'as subi. Elle s'impose à toi et t'as subi par vibration. Puis éventuellement, bon, t'es clair et t'es net. C'est ça votre situation. Le reste, c'est inutile de rationaliser. Pourquoi est-ce que je vous donne des cassettes? Pour vous donner des points de vue, des points de mire, des points de référence que vous pouvez pas aller chercher par votre ego. C'est pour ça que je vous donne des cassettes. C'est pour ça que je vous donne une mémoire. Des choses que moi, je vais chercher parce que je suis pas affecté par la peur. Pour que vous autres, vous puissiez voir un petit peu plus au-delà de la forme pour éventuellement la faiblir, cette forme-là. C'est même que ça marche. C'est aussi simple que ça, puis c'est aussi tough que ça. Le temps est le facteur essentiel dans l'évolution vers la conscience supplémentaire. Le temps. Puis tout le monde a son temps. Puis éventuellement, tu en arrives à sortir de cette pénible épreuve mentale qui est le temps. Parce que tu cherches moins, puis tu vis plus dans ton instantané, t'es mieux dans ta peau, ainsi de suite. Il y a moins de temps. Tu souffres moins du temps. Éventuellement, il n'y en a plus de temps. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a rien. C'est le vide. On le vit tout. À un niveau ou à un autre, on le vit tout le vide. Seulement qu'éventuellement, on est capable de le supporter le vide. Quand on le supporte, on est dans le plein. C'est-à-dire qu'on commence à être créatif, on la canalise, cette énergie-là. Elle nous sert. Là, on commence à voir clair. Oubliez pas qu'on vit d'impression, les hommes. On vit d'impression. On n'en crée pas d'impression, on vit d'impression. Quand tu cesses de vivre d'impression, tu crées des impressions. T'en crées, tu ne vis plus d'impression. Mais avant qu'on en arrive à plus être influencé émotivement et mentalement par les impressions qui viennent vers nous autres, ça prend du tuning, c'est ça le tuning. Puis c'est une loi cosmique le tuning. La synchronisation de nos corps, subtile, avec cette énergie-là, c'est une loi cosmique. Ça vient dans son temps. On a beau gueuler, ça vient dans son temps. Elle commence à en sortir, elle. C'est la femme de... Comment est-ce qu'il s'appelle avec le barbu en arrière? Elle commence à en sortir. Elle commence. Son état est changé. On a toutes nos souffrances. Il y en a qui souffrent dans leur sexualité. Dans leur solitude. La solitude de leur sexualité. C'est quand tu es dans l'intelligence que tu ne souffres plus de la personnalité. Parce que tu n'es plus intéressé, tu n'es plus attaché à rien. Tu vis ce que tu arrives, mais tu n'es plus attaché à rien. Tu n'es plus attaché à la valeur psychologique de quelque chose. C'est pas un détachement, ça, qu'on peut se créer par nous autres mêmes parce qu'on a lu l'hindouisme. C'est un détachement qui est créé en nous. Par l'éther mental qui s'impose et qui s'impose jusqu'à temps qu'on puisse le faire sauter. À ce moment-là, bon, on est dans notre intelligence, on est dans le pouvoir de notre volonté, on fait ce qu'on veut à ce moment-là. Chaque jour de notre vie, on doit en arriver à accroître notre capacité d'être heureux. Pas heureux dans le sens astral, être heureux dans le sens de faire ce qu'on veut. C'est quand tu fais ce que tu veux dans la vie que tu es heureux dans le sens mental. Mais il y a un timing là-dedans. C'est évident que tu as des enfants, puis tu as une job, puis tu travailles pour une corporation, tu peux pas sacrer la job-là, même si tu l'aimes pas. Faut que tu t'en trouves un autre, ça peut prendre des mois, puis c'est peut-être pas de la bonne, puis t'en as un autre. Il y a un mouvement. Parce qu'avant qu'on puisse se servir de cet éther-là, quand on veut, de même, quand on veut, quand on veut, quand on veut, il y a un temps. Parce que ça, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. On est des êtres de désir, les hommes. On est tous des êtres de désir. Et on doit en arriver à ne pas être des êtres de désir. Je parle de désir égocentrique, lié à nos émotions et à notre intellect. pour en arriver à être des êtres qui créent leur désir, qui créent leur désir. Puis quand tu crées ton désir, tu es dans la volonté de ton intelligence. Ton désir doit se concrétiser. C'est impossible qu'il ne se concrétise pas. Mais il faut qu'on en arrive dans cette intelligence-là, dans cette volonté-là. C'est pour ça que le petit trou dans toi, il est important. Mais même le petit trou dans toi, là, on le doute. Imagine-toi le gros trou qu'on va pas le douter, tu penses? On doute le petit trou dans notre toile. Je disais dans un séminaire dernièrement, je disais, moi, je vous apprends rien. Je vous confirme ce que vous savez dans le fond de votre cuir, puis je vous l'amène en surface de votre ego pour que vous réalisiez une fois pour toutes que c'est ça. Parce que tout seul, vous n'êtes pas capable de réaliser que c'est ça. Vous êtes plein de marre. Vous êtes plein d'émotions, vous êtes plein d'intellect. Vous n'avez pas la force pour dire, ça là, dans le fond de mon ego, dans le fond de mon puits, là, que je sais depuis des années, c'est ça. C'est pour ça que vous n'avez pas votre petit trou dans votre toile. Fait que moi, je descends dans le fond de votre puits, puis je dis ça, là, c'est ça. Là, vous êtes content, là. Je le savais. Ta tête, tu le savais, mais tu ne le savais pas. Tu pensais que tu le savais. Si tu l'avais su, il n'aurait pas resté là, tu l'aurais ramené ici, tu n'aurais même pas besoin de venir à un séminaire. C'est le même pour l'homme. Ensuite, je m'ai fait confirmer par des maîtres ce que je dis, moi. Je l'ai arraché, ce que je dis, moi. Dans le fond de mon puits, il n'y a rien. C'est vide. C'est tout petit. Quand je te parle, laisse-moi dire, quand je parle, je me doute pas. Mais c'est ça de l'intelligence. Mais les maudites souffrances que ça prend pour en arriver à aller dans ton propre puits, pour sortir ton propre stuff, c'est un autre pélément. Puis les gens sont pas prêts. Puis les hommes sont pas prêts. Les hommes sont pas prêts à vivre des fusions comme ça. Pas que ça, vous savez pas qu'est-ce que c'est? Perdre votre personnalité instantanément? Perdre votre intellect instantanément? Perdre votre mémoire instantanément? Perdre votre contrôle astral instantanément? Votre corps physique, votre corps vital? Parlez du vide, vous autres? C'est pour ça que moi, j'ai plus de temps à perdre avec le monde. Je parle au monde, les gens qui veulent comprendre, qui veulent continuer à comprendre, puis écouter, ça marche. Si ça bloque, j'ai plus de temps à perdre, on dit, va-t'en chez vous. Plus de temps à perdre. J'en perds plus de temps. J'ai plus grand temps, j'ai pas assez de temps pour continuer à faire ce que je fais. J'ai encore quelques temps. Mais autant j'apprécie ceux qui peuvent saisir la vibration, autant je me fous des autres. Faut essayer de sauver le monde, moi. Mais j'en ai un maudit à donner à l'homme. Le principe qu'un cheval, tu peux pas l'amener à la rivière pour l'amener à boire s'il veut pas boire, ça réfléchit totalement ma relation avec l'homme. Totalement. Moi, j'ai une très grande capacité de donner, puis j'ai une capacité aussi grande de retirer. Je suis pas attaché à ce que je fais. Je perdrais d'énergie. Les gens, ils disent que les gens doivent apprendre à rester sur au moins le sentiment d'avoir raison. Si vous avez le sentiment d'avoir raison, au moins accrochez-vous à ça. Attendez plus loin. Au moins accrochez-vous à ça. Laissez-les pas partir, le sentiment d'avoir raison. Le sentiment de savoir quelque chose. Le sentiment de savoir que vous avez raison, que c'est ça. Nelly. Ça amène à développer votre propre support, exactement. Et un ou l'autre, mettre un support extérieur. Ton propre support. Il faut que tu en arrives à avoir ton propre support. Fait que si vous avez le sentiment d'avoir raison, vous y tenez, puis s'il n'est pas juste, vous allez le perdre quelque part parce qu'il y a quelqu'un qui va vous le faire perdre quelque part, qui va vous faire sauter votre sentiment d'avoir raison. Mais au moins, vous allez avoir un aspect de ça, puis vous allez l'ajuster. Au moins, vous ne perdez pas le fil avec vous-même. Mais il y en a qui sont même pas capables ils n'ont même pas la force de tenir le sentiment d'avoir raison. Fait, comment est-ce que voulez-vous qu'il se crée un support? Moi, j'aime bien mieux un gars qui pense qu'il a raison quand il n'a pas raison qu'un gars qui n'est même pas capable d'avoir raison un petit peu. Puis, elle tient de là, votre intelligence.